to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey. Libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévesque, à Constantin, à Constantin, à Saint-Lévesque, Constantin, à Constantin, à Saint-Lévesque, Constantin fucking deux. Et vive le rock libre! Maintenant, que vais-je faire? Seul sans toi et les cloches qui sonnent. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indifferent? Maintenant que tu et parti, tout que j'ai lui, toi pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien, ton cœur qui va, pour qui pourquoi? Qui va trop fort, trop fort? Et maintenant, que vais-je faire? La terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Tous ces amis, soyez plus forts. Vous savez bien qu'il a du temps. Dans mon ami, il a marché, mais c'est à nous. Et maintenant, que vais-je faire des vrais moments? Pour rien, des vrais moments. Pour rien, des vrais moments. Pour yes sir, les bons à rien avec la pièce Et maintenant, ou plutôt avec la reprise de la pièce Et maintenant, qui est une vieille chanson française. C'est le camarade B qui vous accueille pour cette 443e émission de Sky Panka en ce 2 août 2012. Mais pour revenir à la pièce qui jouait des bons à rien, vous pouvez retrouver ça, en étant chanceux désormais, sur la vieille compilation Sauvage québécois en concert, qui avait été fait à la fin des années 90 sur l'étiquette Macadam. Ouais. Donc, avec de la chance, vous pouvez peut-être réussir à retrouver ça dans les magasins qui vendent des vieux CD usagés. Sinon, ben, en tout cas, c'est ça. Bon, OK. Eh ben oui, mais en passant aussi, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y avait sur ça aussi. Alors, cette compilation-là, il y avait aussi The Stop, Street Trooper, les Crostons, Impact, Shock Troop, WD-40, Amnesia, Ripcords, Vagabond et bien d'autres. Bon, et maintenant, on s'en va en musique avec tout d'abord The Crowd et la pièce Run for Money, extrait de l'album Letter Bomb, paru sur TKO Records il y a un petit bout de temps, là. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons The Hopla avec leur nouvelle pièce « Je m'envole », extrait de l'album « Le coup du lapin », que vous pouvez retrouver sur Kicking Record en allant sur Internet, car, en tout cas, il va peut-être bien apparaître bientôt dans les magasins québécois, mais pour l'instant, ça va mieux aller sur le site kickingrecord.com, là, avec les 3 W avant, et puis le disque est disponible en ligne. Et puis après ça, eh bien, nous aurons The Lucky One avec la pièce « I Got Booze », pour celui qui aime la bière. Et c'est extrait de l'album « Headbreak, Hangover and Punk Rock ». Et puis finalement, nous aurons Steve Batters avec la pièce « It's Cool, It's Cold » plutôt, « Outside », que vous pouvez retrouver sur l'album « LA, LA », qui est sorti en 79, oui, c'est ça. Mais qui a été réédité plus tard aussi sur Bump Record. Quoique à l'époque, ça avait aussi sorti sur Bump Record, mais en version vinyle. Puis là, ben, ça a sorti en version CD il y a au moins 5-6 ans. Très bon album, soit dit en passant. Steve Batters, c'était le chanteur de la formation de Dead Boys. Et quand les Dead Boys ont arrêté de faire de la musique, ben, il s'est parti son propre groupe. Donc, c'est pour ça qu'il a donné son propre nom. Bon, alors... on y va, sans plus tarder, avec The Crowd et les trois autres groupes que je viens de vous nommer. Tout ça uniquement en Sky Panka, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah. sucker. That's what I got. I don't have no girlfriend. She wasn't with me. Instead, I had no future and I watched too much TV. I don't got no job. It took up too much time. Cause I'd rather be drinking than earn that nickel or diamond. I got booze. And that's what I got. I don't drink coolers or cocktails. Just bring me shots and I got booze. And that's what I got. I got red wine and cigarettes. Maybe it's bourbon. Steve Butters avec plutôt Steve Butters avec la pièce It's Cold Outside, extrait de l'album LA LA paru en 1979 sur Bump Records, suite à la fin du groupe de Dead Boys finalement. Et puis juste avant ça, on avait eu tout d'abord The Crowd avec Run for Money, extrait de leur album Letterbomb, oui c'est ça. Et puis après ça, eh bien, on a eu The Upla avec Je m'envole. Et finalement, on avait eu The Lucky Ones avec I Got Booze. Maintenant, on continue en musique avec trois pièces d'une même formation, la formation Skullion. Et trois pièces extraites de leur tout nouvel album qui sera bientôt disponible en CD, mais qui maintenant, pour l'instant, en tout cas, est en... En tout cas, promo MP3. Bon, donc, le nom de leur nouvel album à Skullions, il s'appelle Don't Take It to Heart. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, j'avais passé en primeur sans trop savoir si la pièce, la première pièce de l'album serait bonne ou pas, et puis ça a passé le test. Et là, aujourd'hui, je vous fais entendre plutôt les pièces 6, 7, ainsi que la dernière qui vient clore l'album, c'est-à-dire la pièce Not Gonna Lie, Don't Wanna Go, ainsi que Music Is My Job. Skullion, ce qu'ils ont de particulier, eux autres, c'est que c'est un quatuor, donc ils sont quatre. Et dans ce groupe-là, eh bien, le guitariste... en fait, ce sont deux guitaristes, oui. Bon, en tout cas... Bon, donc, alors, ils ont deux chanteurs mâles, ainsi qu'une chanteuse femelle. Alors, c'est pour cela que chaque pièce qui va jouer, vous allez remarquer qu'il y a trois chanteurs différents. Mais en gros, c'est à ça que ça ressemble, Skullion. Ils ont trois chanteurs, puis tout selon les pièces, ben des fois, il y en a que c'est un, d'autres, c'est un, des fois, c'est l'autre, et d'autres, sinon, c'est l'autre. Ouais. Ça n'a pas l'air clair, mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre tantôt. Alors, que dire bon de Skullion, à part qu'ils viennent de Toronto, et que c'est leur second album, et que ça va paraître sur Stumble Record. Donc, allons-y avec Skullion et la pièce Not Gonna Lie, Don't Wanna Go, ainsi que Music Is My Job. Tout ça uniquement à Skypanka sur les ondes de Sifu, la radio campus de Trois-Rivières. Always greener. Just be straight up before God. A man lost. it's like to be on the bill and to play for 15 minutes and the only people there to see you are the other bands and their girlfriends. Don't talk to me about rock and roll. I'm out there in the clubs and on the streets and I'm living it. I am rock and roll. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rub. I just wanna make it big enough so music is my job. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rub. I just wanna make it big enough so music is my job. Started at the age of four with lessons every week, but the teachers changed. They want my own. They didn't drum at me. My parents thought it better to call me out of class. Hand me a guitar and set me sailing on my ass. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rub. I just wanna make it big enough so music is my job. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rub. I just wanna make it big enough so music is my job. This is my forte. I'm no juvenile. I'm a bit of skill in the other half is style. Young back to music, but I took over the years. It feels fine next to my number for all the tears. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rob. I just wanna make it big enough so music is my job. I don't wanna be a doctor. I don't wanna have to rob. I just wanna make it big enough so music is my job. Money to clean up the neighborhood. that's awful, man. I'm thinking of him games and prizes and rides. Yeah! I think I have a fast wheel. Yeah, big one. I hate fast wheels. I got a bad stomach. That makes me sick. You don't have to ride on it. Oh. Yeah. Oh. You know, avec Starbuck et les impuissants. En background, je vais vous dire ce qui a joué avant le bloc de publicité. Eh bien, il y a eu trois pièces de la formation torontoise Scullion, extrait de leur album Don't Take It to Heart. Album qui vient tout juste de sortir. Pour l'instant, est en version promo, mais ça va bientôt sortir en CD. Donc, les pièces qu'on a entendues étaient Not Gonna Lie, Don't Wanna Go, ainsi que Music Is My Job. Maintenant, il y a deux semaines, j'ai eu une demande spéciale. On le trouve, il y a trois semaines, mais puisque j'étais parti en vacances, j'ai pas pu la faire jouer au sujet de Starbuck et les impuissants. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer avec du Starbuck et les impuissants, avec la pièce Débranchez-moi, pièce qui est très de contexte. Faut juste remplacer, par contre, Jean Chrétien, dans cette chanson-là, par Jean Charest. Et vous allez voir, tout se replace, et c'est merveilleux. Puis, OK, c'est vrai que dans la chanson de Starbuck, Les Impuissants, de Débranchez-moi, on parlait de. Parlait, bien sûr, du Parti libéral canadien, mais là, on va parler de. Imaginez qu'on parle du Parti libéral québécois, là. Ça va être parfait. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons The Hypnophonics, qui est le nouveau groupe à Starbuck, parce que Starbuck, maintenant, fait du drum. Il a laissé le micro pour le drum. Et dans la formation des Hypnophonics, oui, plutôt, pour la formation des Hypnophonics, nous avons la chanson Scream, extrait de l'album Last Band on Earth. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons la formation allemande Frantic Flintstone avec la chanson Mental, extrait de leur album Freak Out and Psycho Out. Et finalement, nous aurons de Trois-Rivières. Les Devils Hot Rod avec Baby If You Leave Me ainsi que Hells Again parce que ben, ils sont une après l'autre et quand tous les deux sont quand même assez courtes. Donc ça rentre très bien dans un bloc. Alors allons-y sans plus tarder avec Starbuck et la pièce Débranchez-moi. Mais pour l'instant, je vous laisse avec l'introduction de ce même album de Starbuck qui était la chanson I Don't Wanna Save My Race. Unique chanson faite en français par Starbuck. Ouais, c'est en anglais plutôt, ouais. Vous avez été inconséquent, inconscient. Vous l'aurez voulu. Starbuck et les impuissants. Débranchez-moi, Got my feelings in my hand, I'm feeling good and dandy. I wish I brought my slippers, instead I brought a handy. Thought I could get in touch with people high above me. All I got was someone filling me full of jelly. Oh, mental, mental, mental, what my mama called me. Crazy, crazy, crazy, till the day I die. Mental, mental, mental, what my mama called me. Crazy, crazy, crazy. The room they got me locked in is my mental prison. Why should I leave it? Give me one good reason. I get lots of sweeties, sometimes they shock me. I am fucking mental, and I fucking love it. Mental, mental, mental, what my mama called me. Crazy, crazy, crazy, till the day I die. Mental, mental, mental, what my mama called me. Crazy, crazy, crazy. Slippers, instead I brought a handy. Thought I could get in touch with people high above me. All I got was someone filling me full of jelly. Mental, mental, mental, what my mama told me. Crazy, crazy, crazy, till the day I die. Mental, mental, mental, what my mama told me. Crazy, crazy, crazy, till my dying day. I'm mental, mental, mental. I'm on a Friday night, I was drinking again, I was in my pillow. Oui, c'était les Devil's Hot Rod avec la pièce Elgin, juste avant la pièce de Devil's Hot Rod qui vient de jouer. Eh bien, on avait entendu la chanson Baby If You Leave Me. Et puis, son recul de trois autres pièces, on avait commencé le bloc tout d'abord avec Starbuck et les Impuissants et la pièce Débranchez-moi. Et j'espère que vous avez compris le mot Débranchez-moi. Et puis après ça, eh bien, on avait eu The Hypnophonics avec Scream. Et finalement, on avait eu Frantic Flintstone avec la chanson Mental. Maintenant, on va continuer en ska et en reggae avec les formations suivantes. Tout d'abord, j'aurais pour dire ska punk. Alors, on va commencer avec Rancid et la pièce Ruby Soho. Bon, pourquoi Rancid avec Ruby Soho? C'est que Tim Armstrong vient de partir un projet avec Jimmy, en fait, Jimmy Cliff. Mettons que Jimmy Cliff vient d'enregistrer un album avec Tim Armstrong à la guitare et bon, d'autres musiciens aussi. Mais quand même, toujours est-il que celui qui a produit l'album, le nouvel album de Jimmy Cliff, c'est... voyons. Tim Armstrong de Rancid. Et puis, le nouvel album de Jimmy Cliff, eh bien, il s'appelle Rebirth, comme Renaissance. Et puis, c'était vraiment un très très bon album reggae. Et je sais pas si Tim Armstrong y est pour de quoi, mais en tout cas, vraiment très bon album reggae. Et sur cet album, il y a une reprise de la pièce Guns of Brixton, composée par The Clash en 79, mais également une reprise de la pièce Ruby Soho en version très reggae, vraiment très bonne. Et puis après ça, eh bien, nous allons avoir une autre nouveauté, Big D and the Kid Table, avec la version dub de la chanson Strictly Rude, extrait de leur avant-dernier album. Et ça, en tout cas, c'est pas encore paru, mais ça va sortir le 2 octobre en version CD sur leur album qui va s'appeler... Attendez-moi une petite minute. Qui va s'appeler Build Up For Nothing, The B-Side and Strictly Dub. En gros, finalement, le nouvel album de Big Dan de Kid Table, c'est pas vraiment un nouvel album. C'est un album qui contient des chansons qui n'ont jamais paru sur des albums. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler ça le D-side, tu sais, le côté ou la face D. Et puis bien sûr, Big D dans leur carrière, ils ont enregistré plusieurs chansons dub. Ça vous surprend car Big D c'est vraiment un groupe très ska-punk, mais ils ont fait plusieurs chansons dub aussi qu'ils n'avaient jamais en disque. Puis là, ben, ils se sont dit, ça sera le temps. Donc c'était leur prochain album qui va sortir. C'est un album qui contient des pièces inédites en deux CD. Le premier CD est très ska-punk, même punk à la limite des fois pour certaines pièces. Et pour d'autres, et pour l'autre CD, eh bien c'est un CD qui est vraiment dub du début à la fin. Donc c'est du reggae avec des effets de clavier là, et c'est vraiment spécial, disons. Donc je vais vous faire entendre justement aujourd'hui la version 1 de la pièce Strictly Rude, parce qu'ils en ont fait 3 versions dub de Strictly Rude. Puis il y a d'autres versions de leurs autres pièces que vous allez retrouver, que je vais faire jouer plus tard là. Mais bon, puisque la sortie est pour le 2 octobre, aussi bien d'étirer le matériel. Donc on y va sans plus tarder avec Rancid et la pièce Ruby Soho et les deux autres choses que je viens tout juste de vous parler. Tout ça uniquement à Sky Punka, la seule et unique émission à faire jouer du bon punk rock, du ska, du oi, du psycho, bélier, du rockabilly, du hardcore, du bon vieux reggae. Puis je pense que j'ai fait le tour. Have a party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other starting to shine. phrases with a warm gesture. It's time to say goodbye. Strictly rude. see you when I look three wings. See you dancing in the black, black, waiting for me to attack. Check over Jim and everything. She says loving's all I bring, and I'm caring if you be my man. Cupid, it makes you think. We're uptown top right kids. Yes sir, alors bien sûr que vous êtes assez fou, la radio campus de Trois-Rivières, ou si vous avez mieux le 89.1 ou le www.cfou.ca. Et puis vous écoutez Skypunka, la seule et unique émission à faire jouer à la fois du ska, du punk, du roy, du reggae, du psychobilly, du hardcore, et puis peut-être bien que j'en passe, mais en tout cas tout ça dans un bloc condensé de deux heures. Et ils sont recul de... de quelques minutes, eh bien, on avait entendu Rancid avec leur bonne vieille pièce Ruby Soho, extrait de And Out Come the Wolf. Par la suite, eh bien, on avait entendu la nouvelle version de Ruby Soho, reprise par Jimmy Cliff avec Tim Armstrong à la guitare, car Tim Armstrong fait partie du nouveau groupe de Jimmy Cliff. Jimmy Cliff qui est une légende du reggae et qui vient tout juste de sortir un nouvel album qui s'appelle Rebirth, album qui a été enregistré justement par Tim Armstrong et produit aussi par Tim Armstrong. Et c'est vraiment un très bon album de reggae. Et puis après ça, eh bien, on avait eu Big Din de Kid Table avec la version numéro 1 de la. Avec la version dub numéro 1 de la pièce Strictly Rude qui date de leur avant-dernier album. Et puis, donc, c'est extrait de leur album qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir au mois d'octobre et qui va s'appeler Build for Nothing de D-Side and the Strictly Dub. Double album qui va contenir à la fois du bon vieux matériel ska-punk de Big Din de Kid Table, même seulement punk par bout des fois, avec des petits bouts d'entrevue aussi, ainsi qu'un autre CD qui est seulement avec de la musique dub, ou plutôt des vieilles pièces de Big D, mais en version dub. Donc reggae, mais avec des effets clavier, là, comme ce que vous avez entendu pour la pièce Strictly Rude. Bon, maintenant, on va enchaîner avec quatre autres nouveautés. Tout d'abord, Jello Biafra de Guantanamo School of Medicine. C'est quoi ça? Ben, c'est le nouveau groupe de Jello Biafra. Jello Biafra qui est la légende du punk rock américain, celui qui chantait pour Dead Kennedys dans les années 80. Bien là, il y a un nouveau groupe qui ressemble beaucoup à Dead Kennedys. On va entendre la chanson « Shock You Pie ». Et puis, je vais vous dire tantôt où ils vont se produire bientôt au Québec, parce que là, j'ai pas la liste devant moi, mais je vais vous le dire plus tard. Ensuite, deux autres nouveautés, « Bong Wrong » ainsi que « Klein 86 », qui viennent de faire un split sur un 10 pouces disponible sur Rebel Time Record pour la formation Born Wrong, qui donne dans leur hardcore assez agressif. On va entendre la chanson Burn a Depp. Et puis pour Klein's 86, nous allons entendre la chanson Eucharist. Et puis après ça, autre nouveauté, DOA avec la pièce ska-punk War Hero, extrait de leur plus récent album We Come in Peace, que je vous ai fait jouer quatre pièces lors de la dernière émission. Mais là, j'en ai mis une autre nouvelle, là, car c'est un album qui contient 14 pièces, leur nouvel album qui s'appelle We Come in Peace, et il est vraiment très bon. Pas de longueur sur celui-là. Très varié, à la fois punk, des fois même punk qui touche un petit peu le hardcore, avec des côtés ska et des côtés reggae, ainsi que folk en plus. Donc, très bon album pour DOA. Alors, on y va sans plus tarder avec la nouveauté de Jello Biafra, qui s'appelle Jello Biafra de Guantanamo Bay of Medicine, et la chanson Shock You Pie. C'est une pièce, en fait, qui vient d'un pas d'un split, mais d'un EP qui contient deux versions de cette même chanson-là, qui dure 7 minutes 39. Alors, let's go, on y va avec Jello Biafra. So we got a new deal. Lord! Best friend just lost his head. I don't wanna be no Alors, j'espère que la pièce War Hero de DOA, qui est une de leurs nouvelles compos, vous a plu. Comme j'ai dit tantôt, c'est extrait de la pièce We Come In... l'album, plutôt, We Come In Peace. Tout nouvel album de DOA. Vraiment très bon. Juste avant ça, si on recule de trois pièces, on a eu trois autres nouveautés. Ça commençait tout d'abord avec Jello Biafra et de Guantanamo School of Medicine avec la chanson Choc ou Paille. Je pense que vous avez vu. Ça a vraiment... Jello Biafra est revenu dans son bon vieux beat à la Dead Kennedys et... Très bonne pièce. Ah oui, c'est vrai. Pour Jello Biafra, il sera en spectacle au Québec. Je vais vous dire ça. Donc, à Québec, ça sera le 30 août à la place qui s'appelle l'Union Commerciale. Et pour ce qui est de Montréal, eh bien, ça sera à l'endroit qui s'appelle Expérience. J'ai malheureusement pas les adresses des endroits parce que, en tout cas, sur le communiqué que j'ai eu, j'ai seulement le nom des endroits où il va jouer avec son nouveau groupe. Alors, je vais répéter ça. Jello Biafra de Guantanamo Bay of Medicine seront en spectacle à Québec le 30 août à l'endroit qui s'appelle l'Union Commerciale à Québec. Et pour Montréal, ça sera à l'endroit qui s'appelle Expérience Montréal. Donc, allez chercher ça un petit peu, c'est où, puis vous allez sûrement le trouver, je suis pas mal sûr. Et puis, si jamais il y a la bande de Toronto qui nous écoute, je peux vous dire qu'il va jouer à la place qui s'appelle Lee Place. Et pour Hamilton aussi, il va jouer à l'endroit qui s'appelle This Isn't Hollywood, qui est l'endroit justement où les groupes de l'étiquette Rebel Time Record et de Insurgents Record vont, enfin plutôt, mais se produisent souvent. Bon. Maintenant, nous allons poursuivre en folk-punk avec The Pogue et la pièce Dirty Old Town. Ensuite, on va enchaîner ça avec Flogging Molly et la pièce What's Left of the Flag, extrait, pas qu'à moi, du meilleur album de Flogging Molly, qui était leur second, non, qui était leur troisième, c'est vrai, et qui s'appelle Drunken Lullaby. Et puis, après ça, eh bien... Nous aurons Blood or Whiskey avec la chanson Deadwood and the Cash Deceiver, extrait de l'album Cash Out on Culture. Sur ce, on y va sans plus tarder avec cette bonne vieille chanson Dirty Old Town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On fire, I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Don't I make me a picture box? Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch ring. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. His eyes, they closed, and his last breath spoke. He had seen all to be seen. A life once full, now an empty vase, with the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe that golden tear from your mother, dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count them, one, two, three, fell apart as they hit the floor. In a garb of black, we must pay respect to the colour we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away, me boys, by morning we'll be free. Wipe the golden tear from your mother, dear, raise what's left of the flag for me. What's left of the flag for me? This one comes up beyond the labor, and what's on the cash to save? Yes, sir! Vous écoutez Sky Punka sur les ondes de Sifu, le Radio Campus de Trois-Rivières. Et maintenant, on est rendu, malheureusement, dans les dernières 30 minutes de l'émission. Alors, juste avant le bloc de publicité, on a eu The Pogue avec Dirty Old Town, Flogging Molly avec What's Left of the Flag, et par la suite, on avait eu Blood or Whiskey avec Deadwood and the Cash Deceiver. Maintenant, on va continuer en Oi, avec tout d'abord Hard Skin et la pièce Oi, Not Job, extrait de leur album qui s'appelle Hard Nuts and Hard Cunt. Yeah! Paru en 2000 sur Helena Voy. Bon. Ouais. C'est bon ça, Hard Skin. Et puis après ça, eh bien, nous aurons The Prowlers de Montréal avec la pièce That Girl, extrait de leur plus récent album, qui est un split avec le groupe allemand Produzenten der Freude, ou si vous aimez mieux en français, Produit de viande froide. Ouais. Alors, c'est ça. C'est un split qui est paru sur Insurgents Records tout récemment. C'est vraiment un très bon split qui réunit deux très bons groupes. Oh, il y a à la fois Prowlers et Produzenten der Freude. Et je vous recommande ça. Le nom du split, c'est Montreal versus Stuart Guard. Bon. Mais puis, après ça, eh bien, nous aurons Angelic Upstart avec la pièce Shotgun Solution. Une de leurs bonnes vieilles pièces qui a paru dans les années 80 sur l'album We Got to Get Out of This Place. Et puis après ça, eh bien, nous aurons Brigada Flores Magon avec la pièce Rash, extrait de leur album éponyme qui est apparu dans le monde au début des années 2000 sur l'étiquette qui s'appelait Machette Record. Alors, on y va sans plus tarder avec tout d'abord Hardskin et la pièce Oi! Notre job! Tout ça, uniquement Sky Punka, sur les ondes de Sifu, la Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah! Company, I run where you're factoring. for a journey in the night they thought was right. No turning back till the job was done. No need for regret when they shoot some scum. No one else will suffer, no one else will bleed. One finger of the right hand will cure the cancer once and forever. Shotgun blast ring in my ears. Shoot some scum, that rule by fear. A lot of good men will do some time for a fucking cunt without a spine. The taste of his medicine is bittersweet, but take a look around, there's no retreat. Cry and scream all you like, just have a feel of the dogs that bite. Get on your shoes and run like hell. You're not moving very fast, it's not hard to tell. Look at your legs, they're full of lead. It's such a shame, it walks your head. Shotgun blast ring in my ears. Shoot some scum that rule by fear. A lot of good men will do some time for a fucking cunt without a spine. Ding dong, ding dong, I can hear a bell. Ding dong, ding dong, it moves like hell. Ding dong, ding dong, it seems to stop. Ding dong, ding dong, you've got the fucking lock. Shotgun blast ring in my ears. Shoot some scum that rule by fear. A lot of good men will do some time. Brigada Flores Magón avec leur pièce Rash pour les skins anarcho-communistes. Et juste avant ça, on a eu Hard Skin avec la chanson Oi, Not Job. Par la suite, on avait eu The Prowlers avec That Girl. Et après ça, on avait eu Angelic Upstart avec Shotgun Solution. Aujourd'hui, on se laisse avec la formation espagnole Esencia de la Peau avec la chanson Mundo Feliz, qui propose un nouveau monde qui serait très bon de vivre, un bon monde à gauche, l'école serait gratuite, pas de dette, hein, le partage. Si vous avez eu un monde où le communisme primitif viendrait à la façon de vivre dans un monde moderne, ouais, ça serait beau ça. Les capitalistes savaient plus quoi faire, pauvres petits. Et puis après ça, eh bien, nous aurons Ghetto Blaster avec la chanson « Quand la nuit », extrait de leur split avec les formations Social Traite ainsi que Faute de Frappe, que vous pouvez retrouver sur l'album qui s'appelle « Genève Soif 3 ». Et finalement, nous aurons Berrurier Noir avec la chanson « Liberté », extrait de leur plus récent album, qui est peut-être même leur dernier, qui s'appelle « Invisible », mais bon... Beru nous ont quand même démontré qu'ils peuvent réapparaître tout d'un coup au bout d'un 10 ans. Alors, on sait jamais des fois. Hein. Donc, on se laisse sans plus tarder avec Essentia de la Peau et la chanson Mundo Feliz. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Panka, toujours entre 21h et 23h. Et puis, si jamais vous avez envie d'entendre les rediffusions de Sky Panka, allez sur le site archive.org, donc le www.archive.org. Une fois rendu là, il y a un moteur de recherche, vous écrivez Skypunka, S-K-O-I-P-U-N-K, et vous allez voir. En tout cas, vous en avez pour 2 ans d'émission à peu près là-dedans, c'est pas plus. Donc, bye bye, à la semaine prochaine. Mundo écriture nos chansons ne veulent pas de prison. Notre chair, notre terre, abîmée par les guerres. Toutes nos sœurs, tous nos frères ne veulent plus se taire. Révolutionnaire. Nos montagnes, nos vallées, écorchées et polluées, notre cœur, nos fiertés, comme électrocutés, nos peurs, nos souffrances, notre vie, notre errance, toutes nos peurs, nos galères, ne veulent plus de misère, oui, assez de misère. Notre terre, rendez-nous nos forêts, rendez-nous nos mers, respectez nos prières, rendez-nous notre boulot, rendez-nous notre fond, redressons-nous debout, atmosphère, atmosphère, atmosphère, atmosphère.